si tu ne me reconnais pas. Bien sûr, je poursuivrai ma route. Je connais la peur et le doute, mais où me mènerai mes pas si tu ne me reconnais pas. Et j'aurais attendu pourquoi tout ce temps que tu me reviennes, ces jours qui furent des semaines, ces semaines qui furent des mois, si tu ne me reconnais pas. Comment faut-il te l'expliquer? Bien sûr, j'irai coûte que coûte. J'ai suivi tant et tant d'autres, commis tant et tant de faux pas, que tout peut arriver sans toi. N'importe qui, n'importe quoi, qui n'a jamais terni sa route, me jette la pierre du doute. Me jette le premier pourquoi. Tu vois, je m'égare déjà. Comment faut-il te le crier? Je t'aime et je m'en fous du monde entier. Je t'aime. Bien sûr, je poursuivrai ma route. Je connais la peur et le doute, mais où me mènerai mes pas?